Antum askiya'u. Askiya', c'est le djem de Zaki. Innakum askiya'u. Eh non, vous êtes sages, vous êtes intelligents. Hiya, mutazawwijatun. Elle est mariée. Innaha mutazawwijatun. Non. Nahnu muslimuna. Innana muslimun. Non. Ou yajouz également, inna muslimun. Antum, ou antunna mujtahidatun. Vous êtes studiante. Ou studieuse, plutôt. Inna kunna mujtahidatun. Non. Hunna muslimatun. Elles sont des muslimates. Inna hunna muslimat. Anta rajulun ghaniyun. Innaka rajulun ghaniyun. Non. Anta, ou anti zakiyatun. Tu es intelligente. Innaki zakiyatun. Non. Taïeb. Hada, ce qu'on vient de prendre là, c'est avec un domir. Taïeb, on a pris inna avec un domir. Maintenant, on va prendre inna avec un ism zahir et un nom apparent qui vient derrière. Yakul ikra al-amsilat al-atiya. Al-mudarrisu jadidun. Una, adi jumla. Ismiya. طيب une phrase nominale. المدرس مبتدا. طيب ومرفوع ومعرفه. وجديد خبر مرفوع نكره بعده. اذا ادخلنا ان في هذه الجمله في وضع ان كيف نقول ان المدرس الان مدرس il était مرفوع avant quand il était مبتدا mais maintenant il est منصوب parce qu'il est devenu quoi اسم ان. طيب c'est un ism inna, l'ism inna il est mansoub. Donc tu as inna al mudarrisa jadidun. Et jadidun lui c'est quoi? C'est celui-là. Khabar inna. Fatimatu tabibatun. Tu as inna Fatimata tabibatun. Hamidun mutazawwijun. Tu as inna Hamidan mutazawwijun. طيب à la fin. Yakul. Tamarin, exercice. Atril. Inna. Al-Jumal et Atiati. Wazbot. Awahil el Kalimat. Donc tu rentres inna dans les phrases qui suivent et tu mets la haraka qui correspond. Ad-Darsu Sa'boun. Le cours est dur. Inna al-Darsa Sa'boun. Non. ثانياً السيارة جميلة. La voiture est jolie. Ou belle. إن السيارة جميلة. نعم. القرآن كتاب الله. إن القرآن كتاب الله. نعم. محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله. إن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله. نعم. آمنة طالبة. آمنة تجارة. Inna aminata talibatun. Non. Pourquoi on ne dit pas inna aminatan? Parce que je ne comprends pas double, vu que c'est un nom féminin. Au moment, dans quel genre de nom il rentre? Dans les mêmes langues de ça. Il ne faut pas de tanouin. Tu dis inna aminata. Voilà inna aminatan. Ça c'est khata. Al-lughatu al-arabiyyatu sahlatun. La langue arabe est facile. إن اللغة العربية لا العربية نعم سنعت سهلة نعم لا العربية سنعت donc il va suivre le manout comme le manout là il est منصوب parce que c'est اسم إنا فالنعت il va être pareil que lui. هذه الساعة غالية. Cette montre est chère. إن هذه الساعة غالية. نعم le اسم إنا il est où là en vrai. إن هذه الساعة غالية. Le isminna, il est après le nom démonstratif, hadihi. Et là, isminna, c'est hadihi. Et là, sa'a, on m'a dit que c'était quoi? Le ism alif ou lem, vient après un ism shara, c'est un quoi? Badel. Badel. Le badel, il prend, un peu comme le na'at, il prend l'i'rab de ce qui est devant lui. Parce qu'en fait, tous les deux sont la même chose. Le badel, voyez. Le mot d'Admino, le nom qui suit, sont la même chose. Par exemple, si je te dis, Dia الشيخ يحيى مثلا. فيحيى هنا il est badé de شيخ. Tous les deux sont pareils, c'est la même personne. Si je dis جاء أخوك محمد. طيب فمحمد c'est أخوك. Donc son badel. Donc il prend la même chose que lui. طيب نعم. Et tu verras le badel, Inch'Allah, il y a différentes catégories. Donc là, ici, l'ismi inna, c'est hadihi. Mais hadihi, c'est ismi shara, la harakat à la fin ne change pas. Comme le domir. Ça, ça viendra après, Inch'Allah, ça s'appelle l'ismi mabni. Tu ne vois pas si c'est la hadihi, c'est toujours hadihi. Ça ne change pas. Tu peux mettre harf au jar, tu peux mettre mutada, tu peux mettre fa'il, tu peux mettre maf'oul bihi, il y aura toujours une kasra. Lui, parmi certains noms, qui sont comme ça, ils ne changent pas. Leur affaire ne change pas, et ça viendra plus tard, Inch'Allah. Naam. Thamilan. بلال غني بلال إريش إن بلالا غني نعم تاسيان المدير في الفصل الديريكتور إذا نكلاس إن المدير في الفصل نعم عاشرا الماء بارد لو إفواد إن الماء بارد نعم donc après il te donne un خلاصة récapitulatif de ce درس en disant comme on a pris au début, مثلاً, السيارة جميلة. La سيارة, c'est مبتدا. جميلة, خبر. Enfin, maintenant, on va rentrer inna dans la phrase. Ça va être inna سيارة جميلة. Donc, inna, c'est comme on a dit, c'est harf, nasb, wa taukid. La سيارة, c'est ism inna, donc il est mansoub, il est point fatha. Et جميلة, c'est خبر inna. Donc, la première phrase, ça sera durée par la voiture est belle. Et l'autre avec Inna, c'est certes la voiture est belle. Mafou ma'ada Inna ? Et Inna, comme je l'ai dit, elle a des sœurs. Ta Anna, ta Ka'anna, ta La'alla, ta Leïta. Vous voyez, dans d'autres koutoub, ils font le même travail. C'est juste après, chaque lettre a un sens différent. Taïb, ça bien, il y a qu'il y a Ammel et Misalayn, Souma Kawun Jumalan Mislahuma, Milikalimat il Aatiya. Donc il te dit, regarde les deux exemples. Et à partir de là, tu fais des phrases similaires. Al-Misal al-Awwal, premier exemple. Amina ou Afan. Amin al-Hindi, Anta am min Pakistan. Donc il te dit, es-tu de l'Inde ou bien du Pakistan? Donc là, A, c'est Hamza istifham. Après, on avait pris Kitab al-Awwal. Et là, en fait, c'est une question avec un choix. Il te dit, M. Oh, Amin al-Hindi Anta, Am, ça se Am là, c'est où en fait? Vous voyez? Min Pakistan. Es-tu de l'Inde ou du Pakistan? Misal al-Thani, eh, Tabibun Anta, Am, Muhandisun. Donc, es-tu un médecin ou bien un ingénieur? Donc maintenant, il faut que tu fasses pas avec les mots qui sont en dessous. Tu fais des phrases en utilisant eh et après Am. Il faut mettre un choix entre deux choses. فالأولا يقول أنت مجتهد كسلان في الفاس سميلا أنت طالب مجتهد أم كسلان يبتل من كسلان فمي لي أم اسم من الصف أم كسلان أكذا أنت مجتهد أم كسلان أتو ستوديو أو أفنيان هي الصين اليابان أهي من السن أم من الياباني؟ نعم. Est-elle de la Chine ou bien du Japon؟ ثالثا أنت أو أنت طبيبة ممرضة؟ أنت طبيبة أم ممارضة؟ نعم. Es-tu une doctoresse ou une infirmière, une soignante؟ رابعا هم نصارى يهود قاتلهم الله آمين أهم نصارى أم يهود نعم على كلين كلهم كفار نصراني ويهودي فهو كافر donc est-ce qu'ils sont des chrétiens ou bien des juifs طيب هذا مسجد مدرسة أهذا مسجد أم مدرسة نعم est-ce que c'est un masjid ou bien une école. هذه سيارة المدير سيارة المدرس.

C'est quoi la fin de l'arrière là? Ça viendra plus tard, Inch'Allah. En tout cas, Zou, il en fait partie. Ça y est, Zou en fait partie. Ça y est, bien cool. Ikra al-amsilata, thumma hawil al-jumlata al-atiya mislaha. Donc tu lis les exemples et tu transformes les phrases qui suivent de la même façon. Mathalan, hadha at-talibu zu khuluqin. Après, il vient avec le pluriel. Taïeb, maintenant tu apprends c'est quoi le pluriel de zou. Zou c'est wahid, muzakka. Taïeb, fajamuhu zaou. Fatakul, haoulaï, attulabu zaou khuluqin. Jim, yakul, hadi attalibatu zat khuluqin. Donc zat, c'est le mufrad muannaf. Son pluriel, son singulier féminin. Tu dis zat. Adita libatu zat khuluqin. Et le pluriel féminin c'est haoula talibat zawat. Tayeb zawatu khuluqin. Donc tu fais pareil avec hada rajulu zu malin kathirin. Comment tu vas dire le jam? En fait c'est un homme qui a beaucoup d'argent. Haoula irrijal zu. La. Bifatha al-dhal. Fatha. ذو نعم مال كثير نعم والمؤنث هذه مرأة المرأة المرأة ذات مال كثير نعم هؤلاء نساء ذوات مال كثير نعم طيب دونك لو singulier masculin c'est zou. Le pluriel masculin c'est zaou. Le singulier féminin c'est zaat. Et le pluriel féminin c'est zawat. Et comme je t'ai dit, ce nom là il vient tout le temps moudof. Donc derrière lui t'as un moudof ilay. Voyez. Maintenant regarde. On va prendre la'alla. Comme on avait pris dans le das. Dans le Ders, on avait pris quoi? C'est qui? C'est Hashim, il dit Kayfa haluka ya oustaz, la'allaka bi khayr. Maintenant, on va prendre l'exercice avec ce la'alla. Et la'alla, min akhawat inna, parmi les sœurs de inna. Elles font le même travail. C'est-à-dire qu'elles rentrent dans une jumla ismiya et elles changent mutada qui devient son ism et son khaba qui devient son khaba à elle. À la'alla. مثلا لو تقول زيد قائم زيد debout stop لعل ça va faire comment لعل زيدان قائم donc là زيدان il va être اسم لعل وقائم خبر لعل comme إن c'est la même chose juste là maintenant c'est quoi le sens de لعل le plus fréquent c'est l'itaraji une chose que tu espères que tu souhaites voyez ou une chose qui est possible par exemple tu dis Namshi, il est Mohamed, la'alaou fil bayt. On va voir Mohamed, il se peut qu'il soit à la maison. Voyez, la'alaou fil bayt, et il se peut qu'il soit à la maison. On espère qu'il soit à la maison. Ça peut être aussi, al-ishfaq, une chose que tu crains. Par exemple, tu dis, ma raïna Mohammedan, la'alaou marid. Nous n'avons pas vu Mohamed, je crains qu'il soit malade. Il se peut qu'il soit malade, mais là, c'est qu'une crainte. Voyez, et également, ça peut être, comme dans le Coran, pour le ta'lil, une cause. Par exemple, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alaladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Oh vous qui avez cru, le jeûne vous être prescrit comme ceux d'avant vous afin que vous craigniez. En fait, c'est pour en fait une cause. Voyez? Mais le plus souvent c'est le premier, taraji. Une chose que tu espères et qui est possible. Naam. Donc il dit atri la'alla al-jumal atiya ilman bi anna la'alla min akhawat inna. Voyez, sachant que la Halla, parmi les sœurs de Inna, donc, elles ont le même travail. Houa Bukhay. Donc là, tu vas faire comme Inna quand tu mettais Houa derrière, ça fait comment Innahu. Enfin là, tu vas dire comment La Halla ou Bukhay. La Halla ou Bukhay. Houm Bukhay. La Halla ou Bukhay. Hiya Bukhay. La Halla ou Bukhay. Hunna Bukhay. La Halla Hunna Bukhay. Anta Bukhay. La Halla ka Bukhay. أنتم بخير. لعلكم بخير. أنت بخير. لعلك بخير.